Putain, pareil, c'est galère là, y'a trop de rues. Y'a rien à faire, hein. Ça caille un peu là. Ouais, ça caille. Ça caille. Ah, ça chlingue un peu là, non? C'est chelou. Ah, c'est lui le pauvre par terre là. Ah ouais, c'est affolant ce que j'ai dit. Qui combattra la vie trouvera la mort, à la misère on survit. Les familles vivent dehors, l'hiver arrive, maman. Où est ma couverture? Y'en a pas ce soir. On dort dans la voiture. Il pleut, j'ai faim, j'ai froid. Ma femme, il me manque. Je porte les mêmes habits depuis un mois. Coffré sous ma tente. Ni ma mère, ni ma tante m'accepte à la maison. Travaille à l'école, travaille. Ils avaient raison, maintenant c'est trop tard. Je suis condamné. 4, 5, 6 ans, je suis à la rue. Depuis combien d'années? Barbu, je pue. Personne ne sourit. Squatteur, je connais. Tous les rues de Paris. Assis au bord de la rivière, mon reflet me téléporte très loin en arrière. Je suis pas tout seul ici. On est 10, ils oublient qu'on est des humains avant, des sans domicile fixe. On est rejeté de la société. Si je pouvais rêver d'un monde sans anxiété, je suis condamné à vivre un destin gâché. Plus de travail ni de famille, venez m'aider. J'ai perdu des amis, ils se sont jetés d'un pont. Ils avaient des amendes et risquaient la prison. J'ai un jean troué, tout le monde me rejette. C'est quoi qui vous dérange, ma personnalité ou ma tête? Le temps avance vite, je calcule plus l'heure. Je prends mes réserves pour ce soir au resto du cœur.